l'évidence de la catastrophe. Ceux qui sont vivants, ceux qui prennent acte. Ceux qui dénoncent et ceux qui s'organisent. Devant l'évidence de la catastrophe, ceux qui dénoncent, ceux qui prennent acte, ceux qui s'organisent. Beautiful place, beautiful children. C'est les sens. petit volcan au bout de la corde. Thank you. fool.